Quatrième. Ayant été conduite par Korff à la prison de Saint-Lazare, Sonia Argoulian, les formalités d'inscription au greffe accomplies, avait été enfermée sur sa demande dans une des cellules de la pistole, une petite chambre carrée meublée d'un lit, d'une table et d'un escabeau, et dont l'étroite fenêtre munie d'un abat-jour ne permettait de voir que le ciel gris. Elle se laissa tomber sur l'étroite couchette et plusieurs minutes durant resta prostrée, anéantie. Depuis la veille au soir, elle n'avait plus de nouvelles ni de son père ni de son fiancé. Monsieur Argoulian, en la quittant, avait simplement expliqué qu'il allait avec Piébal à une réunion de marchands de diamants, et ni l'un ni l'autre n'était revenu. Depuis plusieurs mois, Sonia savait bien des choses. Elle avait la sensation qu'un irréparable malheur la menaçait. Ce malheur était arrivé. Elle avait tout fait dans la mesure de ses moyens pour le conjurer, inutilement. Maintenant, tout était fini. Elle était en prison, déshonorée, désemparée, sa vie brisée, et à son désespoir venaient s'ajouter ses angoisses. Qu'était devenu son père? Arrêté? Mort? Elle pouvait tout craindre. Étendue sur le petit lit, la tête contre le traversin, elle pleura longuement, convulsivement. Sa détresse était affreuse. Elle n'avait que son père en ce monde. Elle l'aimait, mais ne l'estimait pas. Personne à qui se confier, pas une amie, aucune parente. Le vide, le néant. Maintenant, elle allait devoir se débattre à l'aveuglette. Elle ne saurait que dire. Elle ignorait si elle devait parler ou se taire, si son silence était préjudiciable ou utile à son père. Il lui semblait qu'elle était tombée dans un gouffre noir et sans fond, dont elle ne remonterait plus. À midi, une sœur pénétra dans la cellule et lui demanda si elle était souffrante. La voyant anéantie, hagarde, elle voulut la réconforter. Sonia, farouche, ne répondit que par des paroles brèves et sèches aux exhortations de la sainte fille. Celle-ci se retira. Les heures passèrent, mais la prisonnière en avait-elle seulement conscience? Vers la fin de l'après-midi, exténuée, épuisée par l'excès même de sa douleur, elle s'était assoupie lorsque la porte de sa cellule s'ouvrit. Un gardien entra. Il referma la porte et, s'étant approché de la prisonnière, il la toucha légèrement à l'épaule. Sonia sursauta. « Chut, ne bougez pas. Je viens vous sauver. Laissez-moi faire. Il faut agir vite ou tout est manqué. Je vais vous maquiller. Ce sera vite fait et nous sortirons. » Ce disant, l'homme ayant tiré de sa poche quelques crayons gras, se pencha vers Sonia Argoulian qui, dressée, le regardait sans bien comprendre. Il devina sa pensée. « N'ayez aucune crainte. Je suis un ami de votre père. Je remplace un surveillant. Laissez-moi faire. Mais il faut agir vite. » Vous passerez pour une autre, vous comprenez? Ahurie, ne sachant que croire, la jeune fille ne répondit que par un hochement de tête qui pouvait aussi bien passer pour un acquiescement. Le prétendu gardien n'en demanda pas plus. En moins de 5 minutes, il eut, à l'aide de ses crayons, changé complètement le visage de Sonia. Ce ne fut plus une jeune fille, mais une vieille femme ridée, à l'expression dure et cynique. Le pseudo-surveillant maquilla également les mains de la prisonnière, en y traçant des rides et des déformations de toutes sortes, et en noircissant ses ongles. Il compléta son œuvre en affublant Sonia d'une affreuse perruque grise qu'il tira de sa poche. Il avait également apporté, cachée sous sa vareuse, une misérable robe de cotonnade noire, tachée, effilochée, rapiécée, une sorte de cache-nez de laine trouée et une paire de savates éculées. Sonia, sur ses conseils, revêtit par-dessus ses habits cette horrible défroque et chaussa les infectes savates. « J'ai votre ordre de lever l'écrou, » expliqua à mi-voix le pseudo-gardien. « Vous signerez sur le registre du greffe Germaine Catroire. C'est le nom d'une vieille ivrognesse et voleuse qu'on relâche faute de preuves. Sucez cette pastille, elle est un peu âcre, elle vous rendra la voix ocre, rauque. Parlez aussi peu que possible. On vous remettra un paquet de vieilles hardes, prenez-le en grognant. Une fois hors de la prison, vous descendrez le faubourg Saint-Denis, en suivant le trottoir de droite. Je vous rejoindrai dans les 5 minutes qui suivront. Vous m'avez compris? Oui, monsieur. Bien, rappelez-vous que vous êtes Germaine Catroire, signée d'une main malhabile grossièrement, et vous verrez que tout ira bien. Vous y êtes? Oui, monsieur. Mais vous avez des nouvelles de mon père? Oui, il va bien, et vous allez le rejoindre, il est en sûreté. Je suis prête. Bien, venez. Sonia Argoulian se redressa et, derrière le prétendu surveillant, marcha vers la porte. « Déhanchez-vous un peu, cela fera mieux, » lui souffla son guide. « Songez que vous êtes une vieille femme. » La prisonnière fit signe qu'elle avait compris et franchit le seuil de sa cellule dont le surveillant referma soigneusement la porte. Tous deux, en quelques instants, furent au greffe. La fausse Germaine Catroire dut signer sur le registre de lever d'écrou, ce qu'elle fit d'une main qui tremblait. Elle fit entendre un grognement indistinct en recevant le paquet de hardes constituant son trousseau et, ayant franchi le portail de fer de la sinistre bâtisse, se trouva dans la rue. Une pluie épaisse et glaciale tombait, faisant se hâter les passants. Sonia, frissonnante, son paquet en main, descendit lentement la rue du faubourg Saint-Denis, comme le lui avait indiqué son sauveur. Celui-ci était resté au greffe. Sonia, qui titubait de faiblesse, d'anxiété et de froid, avança, n'osant tourner la tête, de crainte de se faire remarquer, et tressaillant violemment chaque fois qu'elle entendait des pas derrière elle. À plusieurs reprises, elle fut dépassée par des inconnus, et ce fut pour elle de nouvelles angoisses. Elle avait déjà franchi 400 mètres et son inquiétude croissait lorsqu'elle entendit derrière elle des pas précipités. Instinctivement, Sonia se retourna et vit un homme enveloppé d'un ample manteau et coiffé d'un chapeau mou aux ailes rabaissées qui arrivait sur elle au pas de course. « La voiture, là, montez » souffla-t-il en désignant une auto qui venait de se ranger le long du trottoir, à moins de 3 mètres de la jeune fille. « Dépêchez-vous, mademoiselle Sonia !» ajouta l'inconnu qui, doucement mais fermement, poussa la fugitive vers l'auto et s'y engouffra derrière elle. Le véhicule partit aussitôt à toute allure. « Eh oui, c'est moi. C'est celui que vous avez vu tout à l'heure, habillé en surveillant, » fit l'inconnu souriant. Il entr'ouvrit son manteau sous lequel il était revêtu de l'uniforme de l'administration pénitentiaire. « J'ai des amis un peu partout, mademoiselle, » expliqua-t-il. « J'ai rendu des services. Cela me facilite bien des choses. Le principal, c'est que vous soyez libre. Nous allons chez moi, votre père et monsieur Piébald y sont. Vous êtes un ami de monsieur Piébald ? Questionna Sonia en frissonnant. Pas précisément, mademoiselle. Je dirais même que nos relations sont plutôt distantes, ainsi que vous vous en rendrez compte. La jeune fille ne répondit pas. L'auto, un petit landaulé, roulait à toute vitesse sous la pluie qui tombait toujours. Il emboucha la rue des Petites Écuries, et par la rue d'Hauteville, la rue Condorcet et la rue des Martyrs, gagna les hauteurs de Montmartre et s'arrêta dans une des petites rues qui avoisinent la place des Abbesses, devant une maisonnette précédée d'un minuscule jardin. La rue était déserte et sombre. L'inconnu sauta à terre et aida la jeune fille à descendre de voiture, puis, ayant ouvert la grille, il offrit son bras à Sonia pour lui faire traverser le jardin, cependant que l'auto s'éloignait et se perdait dans les ténèbres. D'une clé tirée de sa poche, l'inconnu ouvrit la porte d'entrée de la maison. Il tourna un commutateur, une ampoule électrique fixée au plafond s'irradia. Sonia vit devant elle un large vestibule orné de tableaux accrochés aux parois. Son guide ouvrit une seconde porte, donnant dans un atelier de peintre dont il alluma le lustre. « Vous voici chez vous, mademoiselle, » dit-il en indiquant à la jeune fille une confortable bergère en bois sculpté. « Avez-vous faim, soif ? Je désirerais voir mon père, monsieur. »« Vous le verrez, mademoiselle, je vous en donne ma parole d'honneur. Pour l'instant, considérez-vous ici en complète sécurité. » Je vais avoir, si vous le permettez, une courte explication avec vous. Vous ferez ensuite ce que vous voudrez. » Sans répondre, Sonia regarda son interlocuteur. C'était en somme la première fois qu'elle le voyait. Elle l'avait à peine aperçu dans la demi-obscurité de sa cellule, et dans la voiture, elle n'avait pu distinguer ses traits. C'était un homme d'une trentaine d'années, au visage énergique et légèrement gouailleur. Les lèvres fines et bien dessinées étaient rasées. Le nez un peu fort était surmonté d'un front haut et bombé, qui surplombait lui-même une paire d'yeux noirs au regard perçant. Le corps était bien découplé, les attaches fines, les mains nerveuses. « Vous comprendrez, j'en suis sûr, monsieur, » fit Sonia, en baissant instinctivement les yeux, « que j'ai hâte de voir mon père. Mais avant tout, je veux vous remercier de ce que vous venez de faire pour moi. Je vous dois plus que la vie, et je sais que pour me rendre la liberté, vous avez risqué la vôtre et peut-être plus. Je ne l'oublierai jamais. » Debout devant la jeune fille, l'inconnu s'inclina. « Je suis payé, et au-delà, par vos paroles, mademoiselle, » dit-il d'une voix douce, à la fois pénétrante. « Ne parlons plus jamais de cela. Il me reste maintenant à vous faire un aveu. Je ne vous ai pas menti lorsque je vous ai affirmé que votre père et M. Pébal étaient ici. Ils y sont bien, mais ce ne sont pas mes hôtes, ce sont mes prisonniers. » « Vos prisonniers ? » ?»« Oui, mademoiselle, je me doute que vous devez être au courant de certaines choses. » Monsieur Piébald, votre fiancé n'est pas digne de vous. Pardonnez-moi cette indiscrétion, mais je dois vous parler. Monsieur Piébald a entraîné votre père dans une affaire très dangereuse. Monsieur Piébald a tué Monsieur Drôle, dont vous avez entendu parler. C'est moi qui, l'autre matin, ai joué le rôle de Monsieur Grant et ai empêché que le détective Korff ouvrît la caisse contenant soi-disant le piano. Le piano. Savez-vous ce que contenait cette caisse? Je m'en doutais, monsieur. Et c'est Monsieur Piébald qui a fait ronger le cadavre par les fourmis rouges et a naturalisé le squelette. Je l'ai vu. C'est également Monsieur Piébald qui a tenté d'assassiner Monsieur Korff, l'agent de la sûreté chargé de l'affaire. J'ai essayé d'intervenir. Je me suis emparé de Piébald. Je l'ai livré à Korff en l'enfermant dans la malle de feu autodrôle William Grant. Piébald non seulement a échappé à Korff, mais l'a attiré dans un guet-apens. Sans mon intervention, Piébald commettait un assassinat de plus. Je l'ai assommé, Piébald, et son complice aussi. Savez-vous qui était ce complice, mademoiselle? Sonia ne répondit pas. Sa physionomie tordue par la honte et l'angoisse parla pour elle. Oui, fit sobrement l'inconnu. Et tous deux sont ici en mon pouvoir, ce qui peut-être les a empêchés de tomber entre les mains de la police. L'inconnu soupira et se tut. De grosses larmes coulaient lentement des yeux de la jeune fille et glissaient sur son visage fardé. Elle se mit soudain à sangloter. Ah, monsieur, gémit-elle toute secouée, si vous saviez, j'ai bien souffert, oui, j'ai dû me taire, j'ai dû. Ah, je voudrais être morte, morte, répéta-t-elle, comme ma pauvre maman. Écoutez-moi, vous me jugerez ensuite, je vais tout vous dire, murmura-t-elle en essayant de dominer ses sanglots.